L'intervalle de sécurité se mesure en fonction de la vitesse à laquelle on roule. Là, je suis à 70 km/h. C'est l'équivalent d'une vingtaine de mètres par seconde. Suivre une voiture en sécurité, c'est laisser un intervalle de deux fois la distance parcourue exprimée en mètres par seconde. Donc, une quarantaine de mètres dans ce cas. Sachant que la chaussée est glissante, que la distance de freinage pourrait être allongée en cas d'urgence, il est prudent de laisser davantage d'espace encore. D'autant plus que je suis suivi d'assez près par une autre voiture. Je n'ai pas d'autre solution que de ralentir. Réponse B et C.